Vas-y, no name. Monte un peu le son, s'il te plaît. Yes. Ça va mieux là. Ne me parlez plus du festin. Qu'est-ce que t'as, t'as vu le destin? J'écris, regarde le dessin, c'est dur mais on fait simple, libre. Mais est-ce possible, rester sur place ou courir? Dois-je pleurer ou sourire? On croquer dans une pompe pourrie, pénible? Non, stupide, les petits relisent nos lignes. D'autres tirent sur un joint, une vie noyée dans une olive. Dis-nous en vrai, qu'est-ce qui t'arrive? Quel est le tarif? La route est longue et vu le chemin, la plupart s'arrêtent au périph'. Stupide, nous le savions, je verrai quand tu tombes du vide. Et si maman rate l'avion, je ferai pas la même que Kevin. Depuis qu'il nous passe devant, j'ai l'impression de me blesser. Si le rap était mieux avant, c'est que le présent t'a stressé. En tout cas, pas se presser, chez nous on y va doucement. C'est le savoir que j'ai blindé là où les briques pètent souvent. Se rapprocher du magma, laisse-moi vivre à la campagne. T'as visé le sommet, on se verra en bas de la montagne. Les mots partent, et toutes mes rimes jouent dans le mental. C'est ma vision de voir les choses, laisse, je m'occupe du montage, laisse, je m'occupe de ma page et de ces langues qui se délient. Un peu comme le matraquage de grosses cités de police. Demande à Renault, j'encaisse, y'en a partout des gorilles. Sans pansement, pour pas ressembler une momie. Laisse couler l'instru mec, celle-ci me donne envie. Texte intimidomanie, de ta cité jusqu'en ville. Chute, ne relève pas, sauf si le décor part en vrille. Ouais, bonhomme, t'es pas encore, mais seulement quand tu parles aux filles. Arrête de parler de finances aussi. La rue n'a rien de philosophique, vive le mélange des petits blancs, petits d'Afrique. Rien à foutre, rien à faire, les conditions deviennent bestiales. Waouh, respire, je vais vous refaire ça, quoi. T'as rien de social, t'as tuerie sur quelle écurie. T'as 10 fois pomper mon style ou chercher tous mes featurines. T'es perché, mais sur qui tu rines? Arrête, tu vas te chier dessus, c'est que de la musique en vrai. Tant que t'es sérieux et que t'assures, poids lourd, bonne plume, c'est tout ce qu'on demande en plus. On le rappe depuis jeune, alors t'as pas entendu? C'est qu'un constat, j'attends pas le buzz ni la pendule. J'ai avancé, je t'écris, mais tu ne m'as jamais répondu. On ne voit plus de compte rendu, le système est une ordure. Et tous les moutons camés à bien sentir la drogue dure. Ici le luxe, un good shit, certains n'ont plus de chico. Mais s'imagine une dame Gucci, casquette faux blue jean. On aura vu chaque style, même de l'époque des Fugees jusqu'à Charlie Chaplin. Ce soir je travaille chaque rime, demain je relis chaque ligne. Pas de perfection, aucune étape n'est établie. Rachid des grandes gueules, hein. C'est sorti de 7. Et c'est dans le calme qu'on cherche une vie simple. No name. Demi-portion. Les pieds dans le sable et une dette non remboursable. On doute responsable, on vit en restant souple. On vit en restant souple. Les pieds dans le sable et une dette non remboursable. On doute responsable, on vit en restant souple. On vit en